qui ne sont pas vieux, nos chers aînés. Voyez-les s'amuser dans leurs belles soirées si bien organisées. Alors vous comprendrez, et vous verrez comment, après une existence de labeur accomplie, ils aiment encore la vie. Si vous êtes invité à un de leurs banquets, vous pourrez constater qu'ils manient la fourchette et lèvent le godet avec félicité. Non, ils ne sont pas vieux, nos chers aînés. Chez eux tout marche bien, le joli paradis et le petit machin. Et là sa petite dose, toujours le pied levé pour partir voyager en grande randonnée, en France à l'étranger. Voyez leur coquin quand il mange des yeux la jolie majorette, sous sa courte jupette, et on ne sait jamais où ça pourrait mener. Non, ils ne sont pas vieux, nos chers aînés. Dès le premier couplet, ils se sont tous levés, s'invitant à danser, en charme rassuré. Voyez leur sûreté afin de s'envoler au tourbillon léger, avec grâce et fierté. Quelle joie affichée, même si parfois vient un peu de regret, de n'avoir auprès d'eux et comme au temps passé, les jeunes et les plus vieux. Sont pas vieux, nos chers aînés. Ils n'ont pas oublié les fêtes de l'été qu'ils avaient bien cachées dans leur jardin secret. En vers le petit matin, le bal manque d'entrain, soudain une clameur vous sort de la torpeur. Ce sont nos chers amis qui font charivari pour relancer l'ambiance et donner la cadence à une farandole où vous êtes invités. Non, ils ne sont pas vieux, nos chers aînés. Vous les découvrirez jouant la comédie ou bien chantant très fort leur amour de la vie. Pour eux est arrivé ce temps de liberté où ils peuvent créer leur rêve délaissé. Comme ce grand cerf-volant qui un beau soir d'été ira dans le grand vent, avec peint sur ses flancs grandes lettres d'argent, ces deux mots, les...